Je montais à la source, bord de l'eau, mais j'y ai trouvé une si belle frimousse que bien sûr je suis restée. Profitons quand il est temps. Qu'est-ce que donc une nuit blanche si on ne dort pas maintenant? On dormira bien dimanche. Oh belle Marianne, onde farandole, tu finiras seule. Je ne suis jamais seule, mais toujours en compagnie. Et je le dis sans orgueil, j'ai un ami pour la vie. Profitons quand il est temps. Qu'est-ce que donc une nuit blanche si on ne dort pas maintenant? On dormira bien dimanche. Oh belle Marianne, onde farandole, tu finiras seule. Je ne suis jamais seule, mais toujours en compagnie. Et je le dis sans orgueil, j'ai un ami pour la vie.